Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Les sorties spectacles de la semaine en compagnie de Stéphanie Gagné. Et moi, je vous parle du CRTC qui a changé ses politiques pour les Radio Campus. Assemblage requis. Bonjour à vous et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 13 septembre 2010, 7h11. Salut François-Olivier Marchand. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour les requins. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Oui, aujourd'hui à l'émission, on a un plan chargé comme toujours. Hein? Tout le temps. Tout le temps chargé. Stéphanie Gagné va être avec nous tantôt pour faire un tour, un survol, comme on dit, des spectacles qui ont lieu cette semaine. Ça va être très, très bien. Ça va être merveilleux. Toi, ton truc de CRTC, c'est que c'est ça? Je vous parle, ben, enfin, un peu plus tard, là, je vais vous parler du CRTC qui a changé un peu ses politiques concernant les radios campus, dont C'est fou fait partie. Ouh! Intriguant. Oui. On va aussi avoir une chronique CNX aujourd'hui. On va parler de logiciels et de choses qui vont vous aider dans votre vie de geek, dans vos tâches que vous avez à accomplir. Et puis, on a des faits inutiles, comme toujours, dans C'est un fait. Mais on commence en musique avec Two Hours Traffic. Voici la pièce titre de leur album Territory au 89.1 FM. C'est fou! Wow, wow, c'est fou! Les petits requins, ils sont... Ils se réveillent. Ils aiguisent leurs dents. Restez couchés. Restez couchés. Oh. Il fait pas beau. repeat it. When the morning comes, and I don't wanna face the daylight. When the morning comes, and I can't make my body rise. When the morning comes, and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to fight. Ce 15 septembre, dès 19h au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. Au menu, Atomic Baobab, Prodige Galsen et Mister Valère. La soirée se poursuivra avec un party animé au 10-12 par le DJ Motorius et la chasse-galerie par le DJ Plink, tous les deux venus de Montréal. Gratuit pour les étudiants de l'UQTR. Le 15 septembre, dès 19h au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin, c'est une soirée à ne pas manquer, signée l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Le son des haut-parleurs de la formation Le Nombre sur l'album Ville est fantastique à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées maintenant avec moins de pubs. Moins de publicité. Moins de publicité. Dans cette émission. Oui. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 9h. Maintenant, voici la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Moi, j'aime ça. C'est un fait. C'est un fait. Commençons avec un fait qui vient de Sorcerer's Apprentice. Tu connais l'apprenti sorcier de Disney, tu sais, dans Fantasia et tout, là? Non. Il y avait un personnage qui s'appelait Yen Sid. Et bien ça, c'est Disney à l'envers, tu sais, Yen Sid. Les animateurs de Fantasia ont eu l'idée du nom. Ils ont aussi modelé le personnage en secret, selon Walt Disney lui-même. Donc, dans le fond, c'était une imitation de Walt Disney qui voulait faire apparemment les sourcils levés du sorcier. C'était un des traits distincts de Disney lui-même. Eh bien, ben, si t'as pas vu tout ça, tu sais pas de quoi ça parle maintenant. Non. Ben non. Ça a pris à Leonardo da Vinci au moins 4 ans pour terminer la Mona Lisa, nous dit-on sur Internet. Les scientifiques ont récemment analysé la peinture avec des techniques modernes comme la spectroscopie fluorescente par rayon X ou peu importe le terme comment que ça s'appelle en français. Leur conclusion montre que Da Vinci a appliqué au-dessus de 40 différentes couches de glaze qui est à 50%, qui est 50 fois plus mince que la largeur d'un cheveu humain. Pour créer le célèbre sourire de la Mona Lisa. Malheureusement, chacune de ces couches prenait plus de plusieurs semaines, oui, à sécher. Avec 40 différentes couches, on peut voir pourquoi ça a pris à Leonardo da Vinci plus de 4 ans pour la terminer. Beaucoup de travail. Tu connais Mr. T? Mr. T! Mr. T! Est-ce que tu parles du lutteur? Ben, lutteur, la vedette musclée de films et de... Ouais, le lutteur. C'est un lutteur? Ben, ouais, à la base, oui. Ah ouais? En fait, ben oui. Ah, tu vois, ça, je savais pas que c'était un lutteur, par exemple. Le vrai nom de Mr. T, c'est Lawrence Turow. Et avant sa carrière d'acteur, Turow est devenu un des bouncers les plus connus de Chicago. Pour gagner le respect de ses visiteurs au bar, Turow a adopté le nom de Mr. T et a choisi une coupe de cheveux mohawk après avoir été inspiré par une photo d'un guerrier African Mendicant dans un numéro de National Geographic. Ouais. Il portait des bijoux en or qu'il disait avoir volé de ses clients dans un bar, des clients qui n'étaient pas gentils. Hein? C'est pour ça qu'il dit « I pity the fool ». Donc ces gens-là, c'est des fous, si on veut. Turow savait pas que tout ça deviendrait, évidemment, ses marques de commerce avec le temps. Mr. T. Mr. T. Toy Story 2 était la première suite pour Tom Hanks et Tim Allen. Ils ont jamais fait de suite de film, ces deux-là, apparemment. Avant Toy Story 2, évidemment. Les empreintes de pieds laissées sur la Lune par les astronautes vont rester là pendant 1 million d'années. Ah, c'est hard, ça. 1 million. C'est long. C'est cool, hein? Si t'allais manger, si tu mangeais, mettons, devant toi, t'avais un gros sac de chips Lay's classique, un sac de 11 onces, qu'on dit? 11 onces. Tu recevrais 110% de ta dose recommandée en vitamine C. Dose quotidienne recommandée. De vitamine C? De vitamine C. Et puis de gras, cholestérol, combien? Ça, je sais pas. Mais il n'y a pas de gras, il n'y a pas de gras saturé là-dedans. Non, pas de... Non. Non, d'autres sortes de gras. Ouais, c'est ça, gras trans. Excuse-moi. L'éclair frappe la Terre environ 8 640 000 fois par jour, ce qui veut dire qu'il y a un éclair par... il y en a 100 par seconde. Dans tout le monde. Dans tout le monde au complet, sur la Terre. Impressionnant. C'est impressionnant. Depuis les 10 dernières années, la grandeur de brassière moyenne aux États-Unis a passé de 36C à un 36WD. T'as pas quand même? Quand même. C'est basé sur les grandeurs de brassière pour les femmes aux États-Unis, ce que les femmes achètent. Donc, c'est vraiment les achats qui déterminent ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? C'est ce qu'on demande. Mais en même temps, on demande aussi, on nous rappelle en fait, que les grosseurs de brassière peuvent souvent dépendre du poids des gens. Donc, ouais, tout à fait. Là, tout à fait. Les personnes augmente. Qui ont des problèmes de poids. Ils ont des big bazookas. Des big bazookas. Exactement. Les cochons sont apparemment plus intelligents que les humains de 3 ans. Les bébés, les enfants, les petits bébés de 3 ans. Ils sont apparemment reconnus pour leur bon. Ils sont capables de connaître les directions des choses, tu sais, où se rendre la géolocalisation, si on veut. Bref, ils sont capables de retrouver leur chemin sur de très, très longues distances. Ils sont aussi capables de représentations abstraites. Ils ont aussi l'habilité de jouer à des jeux vidéo simples. Mais qu'est-ce que veut dire représentation abstraite? C'est ce que je me demandais, tu vois. Représentation abstraite. J'en ai aucune idée. Pour c'est un bien. Cochon, c'est bizarre. Et voilà, et voilà. Ils performent mieux lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo simples qu'un bébé de 3 ans et plusieurs espèces de primates aussi. Mm-hmm. Apparemment qu'ils ont des vies sociales assez complexes. Les mères cochons apparemment chantent à leurs cochonnets lorsqu'ils les nourrissent. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Ils peuvent aussi rêver, qu'on dit, et puis ils apprennent en regardant les autres cochons. Non. Ils peuvent aussi reconnaître la définition de certains mots. Même des fois, ils s'en rappellent plusieurs années après qu'on leur ait enseigné la définition de ces mots-là. Comment ils font ça, j'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est comme ça. Bon. Voilà. Donc, c'est ça parce que c'est ça. Ben, c'est ça parce que c'est ça, à un moment donné. Ben, okay. Hein? C'est bon. Tu connais la série de livres Nancy Drew? Nancy Drew? Nancy Drew, les enquêtes de Nancy Drew? Non. Non. Ben, l'auteur Carolyn Keene. Ouais, ben Nancy Drew. Mm? Ouais, Nancy Drew. J'aime c'est ça? Qui? J'ai jamais lu c'est bon? Ça. Okay, okay. Que c'est, ouais. Mais Carolyn Keene, je sais pas. J'ai jamais lu ça. C'est des livres pour enfants, je sais pas. Carolyn Keene, donc l'auteur, n'est pas une vraie personne, nous dit-on, sur Internet. Carolyn Keene est en fait le nom de l'auteur qui est crédité sur les couvertures de ces livres-là. Par contre, elle est plusieurs personnes en vrai. Carolyn Keene est un pseudonyme pour au moins 12 différents scripteurs ou écrivains qui ont écrit ces histoires de mystère à travers les années. Donc, à la place de tout le temps changer le nom à chaque fois que le livre est écrit par quelqu'un d'autre, c'est Carolyn Keene. C'est intéressant, non? C'est brillant. Brillant, brillant, brillant. C'est vrai que ça fait une suite, mais en théorie, ça n'en est pas une. Exactement. Arnold Schwarzenegger, lui, tu le connais, je m'imagine. The Governator. Governator, exactement. C'est comme ça qu'il l'appelle pour lui? Il voulait tellement s'entraîner dans le temps qu'on dit qu'il entrait par infraction dans des gyms quand c'était fermé la fin de semaine. Non. La fin de semaine. T'es pas sérieux. Toc, toc, toc, c'est pas ouvert. Ah ben, Colin m'a rentré pareil. Pow! C'est ce qu'ils disent, là. C'est bon. Ben, tabarouette. Colin. Je pointe de quoi, pour vrai? Ben oui. Je savais. Tu savais? Ben, crime. Je fais la même chose. Non, regarde-moi les bras. Non, ben, regarde-moi aussi. Bref, c'est tout pour cet un fait aujourd'hui. Il y aura d'autres faits demain, dont un fait sur les M&M rouges. Oh, ouais. Demain, mais pour l'instant. Hey, je te fais un petit fait qui s'est passé dans la région. OK. Un animateur de la vie étudiante accusé de trafic de drogue. Non. Oui. Inacceptable. À la TUC. Le jeune homme a 23 ans, en fait, qui a comparu pour la première fois au palais de justice de la TUC le 15 juin dernier. Et puis, il a plaidé non coupable. Et puis, en fait, il va repasser en cours là, sous peu, soit le 18 novembre prochain. Donc, on va essayer de suivre ça. Je trouve ça quand même bizarre. Animateur de vie étudiante qui vend de la drogue. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Étudiants. Ben oui. Non, faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Faites pas ça, peu importe la job que vous avez. C'est vrai. Peu importe laquelle. Que ce soit même, tu sais, au top, mettons, DG, mettons, n'importe quoi. Non, faites pas ça. Pas d'affaire là-bas. La vie va vous rattraper. Et que oui. Et que oui. On s'en va entendre. OK, go! OK, go! Voici tout de suite This Too Shall Pass, remixé par Passion Pit. C'est le Sunday Hangover Remix. Parce qu'on se remet du lendemain veille du dimanche, hein? Non, pas besoin de ça. Hey, 7h31, l'émission est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Oui, Assemblage Rocky est maintenant présenté avec beaucoup moins de pub. Pas moins, mais plus saupoudré. Il y en a moins. On saupoudre un peu. Il y en a autant? Il y en a moins. Un petit peu. Si on compte pas les autopromos. OK. C'est saupoudré. Saupoudré. Tel du popcorn avec la petite poudre. Tu sais, la Orville Rainbow Hall. J'aime pas ça, moi. Non, c'est bon. Au Dale Pickett. Ah, trop bon. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Tegan and Sarah avec Someday à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées avec FO et Mathieu. Plante et Marchand. Plante et Marchand. Oh, c'est comme une équipe de détectives. Plante et Marchand et fils. Et ils vont faire la loi au niveau... je sais pas. Au niveau de quoi? Au niveau... De l'habillement. La police vestimentaire. Non. Non? Non, non, non. Pas tant. Ah, je te regarde, hein. Non. Je serais Player One. Ça dit Player One. Je suis comme. C'est quoi ça? Invader, c'est ça? Invasion? C'est genre Space Invaders, ouais, il me semble. Ouais, ouais, okay. Ouais, c'est ça. Puis en haut, là, si tu vois, ben, tu sais, je le dis pas parce que ça a l'air super geek. Là. C'est comme Player One avec des affaires de jeux vidéo. Mais dans le coin, si tu regardes vraiment subtilement, c'est marqué Score. C'est quoi qui est écrit? Ben. Score often. Genre, je score souvent. Fait que dans le fond, c'est un chalet de fendant, de douchebag total. Mais douchebag. Moi, je le trouve geek. Mathieu Plante, le douchebag. Mais voilà. C'est fou. Caroline, je pensais jamais porter un chandail de douchebag. Enfin, je pensais pas non plus que t'allais te traiter de douchebag en ondes. Non, c'est ça. C'est formidable. Surtout après le nombre de douchebags que j'ai vu genre faire leur épicerie en fait cette semaine. Ah ouais? Et quand même que, ouais. Il y a des fendants là. Hein? Il y en avait beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Douchebag, peut-être que Mathieu Plante pourrait nous l'expliquer. Ouais. Ben, c'est un fier à bras qui se prend pour un autre. C'est gentil, un gars qui s'entraîne, qui aime ça avoir l'air beau, qui met ses petits cheveux en pic là, avec son gel, puis qu'il y a des gros chandelles. Canyon des cheveux, on s'entend. Ils se mettent des chandos très serrés qui montrent leurs beaux petits pectoraux. Là, ben, ils marchent comme des gorilles, puis c'est super la fin. Hey, venez me frapper si ça vous tente tantôt. La studio est là, vous pouvez venir me taper ça ailleurs. Ah, vous n'êtes pas obligé de venir ce matin, par exemple. Non, vous viendrez vendredi matin, entre 6h et 9h, OK? Ouais. Ça va être les meilleurs moments. Bonne blague, hein? Bonne blague. Bref, bonjour à vous, les douches. Bon matin! Bon matin, les petits requins! vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 9h. C'est l'émission qui certainement pas se prend pour un autre, parce que si on se prenait pour un autre, on serait un échec total, ça. Oui. C'est ça. Ça, c'est bien dit, Mathieu. C'est ça. D'ici la fin de l'émission, tantôt, on va avoir Stéphanie Gagné qui va venir nous parler des spectacles en région et ailleurs qui s'en viennent cette semaine. Et on va aussi avoir une chronique CNX. On va parler d'actualité avec François-Louis Marchand. Je vais vous parler du CRTC. CRTC, le Critic, comme je l'appelle. Critic. Yeah. Mais pour l'instant, on s'écoute un petit peu de Jacques Maure. Voici la pièce Brise-glace. Non. Non, okay. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas aller entendre? Eh non, vas-y. Demande spéciale. Demande spéciale. Oh oui. Assez fou, 89 ans. Tu l'as l'affaire, toi. 7h42 minutes. 7h42 minutes. C'est fou. 89 ans. Présentation du service aux étudiants de la Banque nationale. Ces sauts noirs, mal fleurs, voudraient nous y voir.

Non? Non. Maxime Lemieux, oui, je pense. Ah, on en parlera avec lui demain, ça, ben oui. Tomorrow. Tomorrow is another day. In paradise. Cool. Je crois qu'on arrête de chanter, par exemple, en ondes. Parce ouais, que, c'est, si on va garder nos requins. Nos requins. I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Que François m'a fait découvrir cette pièce-là, je la trouve vraiment excellente. C'est bon, hein? Ratatat. 17 years. C'est pas mal bon. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. T'allais faire un signe de bouche, t'as l'air de vouloir embrasser ton micro. Je m'allais dire, ça c'est un hit. Ça c'est un hit, c'est de la bombe, c'est de la grosse boulette, bon. OK. On revient avec une deuxième heure tantôt. On va voir Stéphanie Gagné et son survol des spectacles. On va aussi parler du CRTC. CRTC qui change sa politique concernant les Radio Campus et communautaires. Et que oui, mais pour l'instant, on va entendre l'Info Campus avec les nouvelles de où ça? Du campus. Du campus. C'est ça. Je m'en ai dit de Radio Cam, mais. Non. Il y a trop de bonheur pour moi. Oui. Je t'ai dit de pas dire le mot de bonheur. Là, ouais. C'est copyright, hein. On va avoir des problèmes. On revient tantôt. Voici maintenant votre capsule Info Campus. La GEQTR vous offre la chance de souligner le début de l'année scolaire avec son traditionnel party de la rentrée qui mettra en vedette cette année nul autre que Mystère Valère. On écoute Jimmy Marigouaille à ce sujet. Les groupes qui sont invités sont Atomic Baobab, Prodige Galsen et Mystère Valère, dans l'ordre de passage. La soirée continuera à partir de 23h, où il y aura deux ambiances, une au 10-12 et une à la Chasse Galerie, avec deux DJ venus eux aussi de Montréal. Donc c'est une soirée qui promet d'être animée. L'événement se déroulera le 15 septembre prochain à 19h au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. Les Patriotes de l'UQTR et l'AGE-UQTR organisent un happening pour les parties de soccer opposant l'Université du Québec à Trois-Rivières à l'Université de Sherbrooke. Cédric Pinard, agent de communication des Patriotes, explique. Il y a deux grands happenings qui vont avoir lieu au cours de la saison. Premièrement, en soccer, qui a lieu le 17 septembre prochain. On parle d'un gros tailgate party de la rentrée. Le monde peut apporter leur barbecue, leur boisson en canette. On ferme le parking numéro 8. Le monde s'installe. Un peu dans le même principe que le football américain aux États-Unis. On parle d'animation, de prix de présence. L'objectif, premièrement, c'est de montrer aux étudiants qu'ils peuvent avoir du fun. Il y a un produit intéressant à l'UQTR qui est à eux en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les étudiants ont accès gratuitement à toutes les activités sportives des Patriotes qui sont entrés en soccer et en natation. Saviez-vous que l'UQTR est membre du réseau de covoiturage? Vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Le réseau regroupe plus de 26 000 membres au Québec. Les conducteurs et les passagers peuvent s'y inscrire pour des trajets réguliers ou pour une date précise sur de courtes ou de longues distances. Des informations supplémentaires sont disponibles au comptoir de l'AGE. De plus, le 22 septembre prochain, l'UQTR se joindra à Vire Vert et plusieurs autres partenaires pour célébrer la journée internationale « En ville sans ma voiture ». Pour l'occasion, les autobus de la STTR seront gratuits pour tous. C'était votre capsule Info Campus. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Hockey, votre émission matinale en pièces détachées où on construit votre journée à partir de morceaux de qualité. Ces morceaux-là, ces matériaux-là, ça reviennent plus tard dans l'émission. C'est pas nous autres et la blague qui vole toujours aussi bas à chaque fois que je la fais. Tout à l'heure, plein de bonnes choses s'en viennent, mais pour l'instant, on va l'entendre un petit peu de trois accords. Ça me tente vraiment beaucoup d'entendre croquer des coups. En fait, j'aimerais vous entendre, vous les requins, croquer des coups. OK? À trois. Un, deux, trois. Personne ne trouve que c'est tout à fait sain, que tu t'habilles en bas. Les trois accords avec la pièce Croquer les coups, vous entendrez pas ça ailleurs parce que ça dure comme 6 minutes. Hein? C'est pour ça. Ben, c'est ça. Puis nous autres, on l'aime celle-là, fait qu'on la joue. C'est pour ça. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. T'as l'air un petit peu dans perturbé. Un drôle d'état. Oui, perturbé est le mot, je dirais. Ouais. Hé hey, Mathieu, je te parle du CRTC maintenant. C'est là que ça se passe. Tu as des questions, tu m'interromps, tu lèves ta main. OK. Si c'est pas la réponse, tu te grattes la tête. Moi, je passe à la prochaine question. Ça. Exact. Okay. C'était un très bon plan. D'accord. Écoute, le CRTC, ils ont changé leur politique concernant les radios communautaires et campus, dont c'est fou, 89.1 FM fait partie. La radio campus de Trois-Rivières. Nous, faut le spécifier. Vas-y. Qu'on n'est pas une radio communautaire, on est une radio campus communautaire. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que, c'est ça, le CRTC veut... pour mettre les deux entités ensemble, mais faire quand même des ressemblances. Dans le sens que, c'est sûr que pour les radios campus, il y a des différences dans le sens que il y a des cotisations étudiantes. Ouais, nous, on reçoit l'argent par les cotisations des étudiants et non ça, par un fonds qui nous est envoyé par, tu sais, comme les radios communautaires qui ont comme full d'argent. Ben, full d'argent, là. En, du coup, ouais. Ça dépend quand même des radios. Là, j'imagine qu'ils doivent pas rouler sur l'or non plus. Non, là. Roule sur l'argent. Roule sur du bronze même. D'accord. Donc c'est ça, ils veulent peut-être merger ça, ouais. Comment je pourrais dire ça en français? Un peu fusionner. Fusionner, hein. Ouais, exactement. Mais toujours en tenant compte des différences. Donc il y a fusionné, mais pas fusionné quasiment à moitié. Je suis pas clair, hein? Ben bof là ça. Bof. Bof. Quand même. C'est pas complètement fusionné. Mettons presque fusionné. Presque fusionné. En fait, je vous parle du fonds qui serait mis sur pied. Un fonds, on parle d'un fonds de 775 000 $ qui proviendrait des radios commerciales qui dépassent le 1,25 million de revenus. Ah, OK. Donc, en bas de ça, eux autres, ils cotisent pas pour le fonds. OK. En haut de ça, ils cotisent pour le fonds spécial. Donc, qui serait destiné aux radios campus et communautaires. Ah, ça, c'est super, ça. Donc, les grosses radios qui viennent, dans le fond, qui sont pas sur le même territoire que nous, dans le sens que sont pas sur le même marché, sur le même terrain de jeu, si on veut, tu sais, mettons. Une autre radio, mettons, commerciale, n'est pas sur le même terrain de jeu parce qu'on n'est pas en compétition, on n'offre pas le même service du tout. Mais ces gros-là, qui sont déjà gagnants, viendraient redonner un petit peu aux stations qui ont pas de chance, dans le fond, tu sais. Exactement, donc, exactement. Parce que le CRTC statue que les radios campus communautaires vraiment en arrachent. Oui. Question financièrement. Avec un revenu moyen là, par année en 2008 là, de 238 500. Comparé à 1,25 million et plus. C'est ça. Mais ça, c'est un revenu moyen. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Oui. Donc, Et notre but sera jamais, de toute façon, dans les radios universitaires ou communautaires, de dépasser énergie. C'est pas ça le but, c'est juste au moins pouvoir avoir la chance de jouer sur notre terrain de jeu à nous autres. C'est ça, exactement. Mais de se développer, ouais, de créer de l'emploi aussi, là, ouais. On se cachera pas. Sauf que c'est pas non plus le but, c'est pas non plus de prendre l'argent et de s'enfuir avec. Là. C'est ça, mais non. Malaise du tout. Ah, ok, ouais, non, j'ai de la comprendre, ça a pris un petit peu de temps quand même. Mathieu Plante, en fait. Il est 8h09, réveille-toi. Lisez le zone campus, c'est ça. Ouvrez le zone campus tantôt pendant qu'on, ouais. Qu'on parlera pas, puis lisez un petit peu juste pour savoir de quoi qu'on parle. Ça. En fait, le fonds serait géré, là, entre parenthèses, par le Fonds canadien de la radio communautaire, qui eux autres se chargeraient de sélectionner 140 stations. Communautaire et campus, là, okay. Barre oblique. On sait pas les critères qu'ils vont utiliser, c'est peut-être juste genre leurs 140 meilleurs amis. Non, c'est ça, exactement. Ça, j'aurais aimé ça que ça soit précisé. Mm. Par contre, je suis sur leur site maintenant, donc on va s'arranger nous, pour être leur ami. Pour être leur ami. c'est ça, il y aurait le droit au versement annuel avec le renouvellement de leur licence, ce qui devrait se faire là, d'ici un an. Ils ne donnent pas non plus de date très précise. Mm-hmm. Il y a eu un changement aussi au niveau du contenu publicitaire, dont c'est pourquoi un peu la raison pour laquelle nous aussi on a changé notre format publicitaire, où ce que les pauses publicitaires sont moins longues. Ça sont beaucoup, beaucoup plus courtes, 30 secondes, une minute, mais une fois plus souvent, genre de temps en temps, saupoudré comme du dill pickle sur du popcorn. C'est ça. Parce qu'avant, pour les gens en fait qui ne savent pas, on parlait de publicité limite de 4 minutes par heure. Et là, on parle vraiment de 4 minutes de publicité payée et non pas les autopromos d'annonces d'émissions. C'est ça, exactement. Et puis là, maintenant, en fait, on parle d'une limite de 500 minutes, non pas par heure, mais par semaine. J'espère bien. Donc, ouais. C'est ça, on peut faire des émissions sans pause publicitaire. Il y en a d'autres qui peuvent en avoir plus. Ouais. Mettons une station voudrait vraiment faire plaisir à son principal commanditaire, pourrait jouer la même pub à chaque 5 minutes. Pour faire bien plaisir, puis le reste du temps, rien jouer, ou encore passer toute leur publicité le dimanche matin, puis plus en passer de la semaine. Mettons, ils pourraient faire ça. Ça serait pas très bien pour les commanditaires, par exemple. Non, c'est ça. Je suis pas certain s'ils seraient contents, là, mais. Un loisir de les éparpiller, comme on dit. Oui. Bon. C'est bien. Un loisir. En autant qu'ils soient d'accord, c'est sûr, et puis que. Ouais, mais ça, mais là, c'est que tu peux t'arranger vraiment avec les clients au lieu d'avoir à dire aux clients, là, je peux pas jouer là parce que c'est booké pas mal. Là. C'est ça, exactement. Mm. Et puis les mentions live aussi font partie des minutes de publicité. Là. Ah. Ça, faut le préciser aussi. Là. Comme mettons quand on dit qu'Assemblage Requis est présenté par la Banque nationale et par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est ça. Ou encore le service aux étudiants de l'UQTR et aussi la Banque nationale. Ou quand on pense à, exemple, le dîner de con l'année passée, avec la commandite de peu importe qui. Ouais, il pluguait vraiment les articles qu'on pouvait trouver, ces trucs-là. Donc, ça rentre en ligne de compte. C'est un peu ça, en fait, pour les changements au niveau du CRTC. Mm-hmm. S'il y a des changements, n'importe quoi, on va vous en parler. On va vous en faire part parce qu'on est de même, nous autres. On vous renseigne sur le behind the scenes de la radio. Behind the scenes. On aime ça. Côté météo, rapidement, aujourd'hui, on parle beaucoup de précipitations. 10 à 15 mm de pluie entre lundi matin maintenant et puis ce soir. Il va y avoir pas mal d'orages apparemment en après-midi, donc 17 degrés. Et puis si on parle de demain rapidement, on dit entre 12 et 15 demain mardi avec de la faible pluie. Présentement, il fait 15 degrés. À toi hier. On s'en va entendre Madcaps tout de suite. Voici Everywhere I Go au 89.fm. I'm a

Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale. Feel Good, qui était la pièce de Gorillaz. Wow, c'est bon, hein? Oh que oui! Oh que oui! Oui, j'aime ça. Toi, t'aimes ça, fait que tant mieux. C'est pour ça qu'on fait ça, l'émission. C'est pour toi, François. Et c'est pour toi à la maison. C'est pour toi dans l'auto. C'est pour les requins dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Tout à l'heure, Stéphanie Gagné va être avec nous pour parler de spectacles qui ont lieu. En parlant du loup. Oui, en parlant du loup, on la voit arriver comme ça, tranquillement. on va écouter un petit peu de Rara Riot pour faire plaisir à Stéphanie. Entre autres, voici la pièce Boy sur le palmarès anglophone de C'est fou au 89.1. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix réguliers. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oh oui, les requins, vous êtes à Assemblage requis. Bonjour à vous, où que vous soyez. Hein? Blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou. Stéphanie Gagné, ben, vous l'aimez, vous m'en parlez toujours. Vous, je vous vois. Là. Toi, tu en parles tout le temps. Stéphanie, je sais pas ça s'en allait. Mais bref, voici un petit survol des activités spectacles qui s'en viennent en région. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Ça bonjour, va? Bonjour François, Olivier, Marchand. Bonjour, bonjour, bonjour. Faut dire François, Olivier, Marchand. Sinon, quand j'étais jeune, en fait, pour faire une histoire courte, là, je disais ouais. François-Olivier. Ben, je disais François-Olivier. Puis des gens pensaient François-Olivier. Ils pensaient que c'était François-Olivier comme dans un seul mot, genre. François. Fait que donc là. C'est du vrai monde, ça, là, qui pensait ouais, ça. Ouais, c'est du vrai monde. Ok. C'est du monde plus proche qu'on pense. Tes parents pensaient que c'était ça. En tout cas. Et, bref. Hein. Donc, Stéphanie, t'as pas de problème de nom composé, toi. T'en as juste un de chaque barre. C'est pas mal plus facile. Ouais. Tel Mathieu Plante. Ouais. Sauf le gagné, des fois, tu te demandes s'il faut mettre un I, un E, un R, un Z. Stéphanie aussi, un F, un PH, IE. 3N. ouais, des choses comme ça. Stéphanie avec 3N, pas winner, ben. Ouais, cette semaine, il y a quelques spectacles qui pourraient être intéressants. Tout d'abord, Festival Western qui a commencé depuis quelques jours déjà. Hi-ha. Ça a commencé le 10. Et oui, Festival Western, tout le monde fait wash, mais tout le monde finit toujours par y aller anyway. Mm-hmm. Moi, j'aime okay. pas ça, là. Pour vrai? Moi, non. Moi, j'aime ça. First, il fait froid. Deuxièmement, non. beaucoup trop de monde. Puis, plus dans la crotte de cheval à 3h du matin. Je fais assez ça à la maison. Non, mais bon, mon trip est passé, là, en fait. Mais j'ai déjà aimé aller là. Bon, voilà. Maintenant, t'es rendu trop vieux pour ça. Ouais, je suis rendu un vieux pec. Donc, c'est ça, Festival Western de Saint-Tite qui se poursuit jusqu'au 19 septembre. Ensuite de ça, il y a Dirty Projectors qui vont être au National. La même soirée, Le Couleur qui va être à l'Escogriffe. Oh, Le Couleur, que Mathieu aime beaucoup. C'est bon. Le 15, évidemment, il y a le party de la rentrée ici à l'UQTR. Atomic Baobab, Mister Valeur qui vont être là. Prodige Galsen. Très cool. Le 16, Caribou qui va être au National. Et finalement, le 17, Down with Webster, un groupe que j'ai découvert cet été, qui va être au Club Soda. Très super. Cool. Et en fin de semaine, François, est-ce que t'es allé à Québec? Oui, en Val-Magadam. J'y ai pas été vendredi. J'y ai été jeudi. Je suis revenu très, très, très de bonne heure vendredi c'est matin. et puis vendredi. Forme, d'ailleurs. Ouais, j'étais top shape. Vendredi, j'y ai pas été. Je me suis reposé. J'ai retourné samedi. Par exemple, vous allez peut-être être un peu déçus, mais j'ai raté beaucoup de groupes. En fait, je suis arrivé pour voir Headbreed et je suis parti pendant que Mastodon jouait. T'as pas vu Strung Out? Non. Ah, mais, je suis déçu. Strung Out, je l'ai vu une couple de fois. Puis, je suis pas un grand fan. Là, ah, moi, j'aime ça. Mais je les ai jamais vus live, par exemple. Je sais pas comment ça sonne live, là, mais. Ah, ça sonne bien, là. Ça, wow, j'adore. Ça sonne bien. Il était venu au cégep ici, à Trois-Rivières. Ouais. Ça fait trop longtemps pour moi. Avec Snapcase aussi, qui est en première partie. C'était un très bon spectacle, mais depuis ce temps, je t'avoue que j'ai un peu décroché Strung Out. Mais Hatebreed était vraiment très bon. Oui. Good. Oui. Bon. T'as vu. Mais alors, beaucoup, oui, continue, beaucoup moins de monde que l'année dernière où là il y avait eu pas loin de 15 000 spectateurs. Il y avait deux scènes aussi. L'année dernière, il y avait deux Sounds qui était une des têtes d'affiche là, avec il y avait, je sais qu'il y avait Sick of It All. Il y avait aussi un gars de Bob Marley, lequel je sais pas, il y en a trop. Je pense que non, je sais pas. Mais honnêtement, il y a du monde qui ont dit que c'était, cette année c'était super bon les artistes qu'il y avait là, mais moi je trouve que c'était pas mal moins accessible. Mais ben, reste que ben, pour moi. Ouais, parce que c'est Québec aussi. Québec, on dirait que ça a une certaine particularité, si on veut, là, au niveau de la scène. Surtout un peu underground, des gros groupes. Quand tu penses que, mettons, Hatebreed ont été là, c'est plus un festival, je pense, qui s'adresse, moi, merci Mathieu, aux jeunes underground, mais dans un créneau assez particulier. C'est spécifique un peu, c'est de niche. Ouais, mais tu sais, comme Hatebreed, c'est assez loin de The Sounds ou Metric, tout à fait. Mais qui attire quand même une bonne clientèle. Je pense que samedi, on devait pas... Elle s'est battue, ta route. J'ai vu peut-être trois combats en même temps. Pendant le spectacle d'Hatebreed, c'était assez violent. Mais il y avait pas loin de 6 000 personnes quand même pour Hatebreed. Quand même. Ouais. C'était vraiment, vraiment bien. Moi, c'est pas le genre de choses qui m'attirait. Moi, j'étais plus, je suis plus attiré par justement Block Party. Malajub, c'est un des groupes que j'aurais voulu voir. Mais anyway, Malajub sont tout le temps partout. Fait que pourquoi monter à Québec pour aller les voir dans ce cas-là? Mais c'est un petit bonus. La scène, l'endroit est hot, là. Tu y as été? Je suis jamais allé. Non, c'est vraiment formidable. Hein. C'était en dessous des viaducs. Jeudi, il mouillait, mais on ne s'est pas fait mouiller. On était en dessous des viaducs. Mm. Je me suis fait dire qu'il y a même des malades en route qui regardent le show sur l'autoroute. Ouais, pour Mélène Collin, il y avait du monde. Mais c'est pas gossant à cause du bruit des autos qui passent, non? Ben, ils passent en haut, tu les entends pas. Puis de toute façon, c'est tellement fort que. Okay. T'as beau essayer de me dire que tu veux de l'eau. J'entends rien, c'est ça. Bref, mettez-vous des bouchons, ça vaut la peine. Les oreilles, c'est assez rare de. Faut pas perdre ça. Hein? On a juste deux. On a juste deux, faut leur faire attention. Ben oui. Ça repousse pas. Ben non, ça repousse pas, mais vous pouvez vous en servir dès maintenant, je dirais, là. Ouais, parce que on va aller écouter Dirty Projectors. Je vous rappelle, le 14, ils vont être au National à Montréal. Donc, c'est ça. On écoute Stillness is the Move, une des meilleures chansons 2009, selon Pitchfork, que j'aime pas beaucoup, Pitchfork, mais c'est pas grave. Oh. Hey, rappelle-moi le titre là, pour la meilleure pièce. Stillness is the move. Stillness is yes. Espace, THE. Espace, M-O-V-E. Move. Move. Move. Move. Move. Move. M-O-V-E. M-O-V-E. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h. Hein? M-O-V-E. Pas de O, là. Hein? Pas de U non plus. Là. O-V-E. O-V-E, ben avec un M. M-O-T-H-I-E-U. Il m'énerve, là. Get a job everywhere to rest. Maybe- vous êtes étudiant, visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aident. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Pick it up and fix it for me. Can you figure it out? Figure it out. My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Are you listening now? Listening now. Chimney. I feel fucked up, I got too much drink in me. It's a shame that you can't be around, cause I kinda want you near to me. I got you on my mind, I got shit on my mind. I got plenty of time to just sit and rewind and just cool up your line and sip on my wine. Cause this is bugging me out and I wish you were mine. Went too far, stole your car, messed about but hear me out. Didn't mean to scream and shout, but won't you forgive me now? My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Can you figure it out? Figure it out. My heart is like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Are you listening now? Sobering avec la pièce Jigsaw. Vous êtes toujours à l'assemblage requis. Et ce jusqu'à 9h. Oh, Mathieu sort sa voix de... De douchebag. Non. Ben, peut-être un peu. Peut-être un petit peu. C'est le moment de parler de choses qui sont vraiment pas douchebag. Donc, douchebag, ben, que voulez-vous, ce sera plus tard, hein, les sports peut-être. Voici Cynix. Oh, oh, hey, c'est Stéphanie qui tourne la roulette aujourd'hui, regarde ça. Utilitruc. Oh, aujourd'hui dans la chronique Cynix, on parle de logiciels qui vont vous sauver la vie de geek. Toujours avec Stéphanie Gagné et François-Olivier Marchand ici qui sont là, donc je vais vous laisser quand même dire un petit bonjour. Bonjour. Bon. Hey, hey, en cœur, refaites-le. Bonjour. Oh, wow. C'est cute. Donc, vous allez me dire si vous trouvez ça pertinent ou pas, tous ces logiciels-là. Commençons par un logiciel pour Windows, que je trouve vraiment intelligent, c'est System Silencer, qui est un freeware, même si vous pouvez payer pour donner des dons, là, ça débarre des options de plus, mais quand même, ils veulent générer du revenu, mais c'est gratuit si vous le voulez bien. Ça vous fournit une longue liste d'actions que vous pouvez faire à votre ordinateur lorsqu'il est idle, tu sais, quand il est inactif pendant un certain moment. Donc, vous pouvez, par exemple, enlever le son, c'est faire mute sur le son complètement, et ensuite le unmuter quand vous revenez. Ça peut minimiser toutes les fenêtres, ça peut cacher seulement certaines fenêtres, tuer des processus, par exemple, fermer un logiciel, partir un logiciel, et bien sûr, barrer votre ordinateur de travail au complet. Donc, si, mettons, tu pars, tu peux dire, bon, dans 5 minutes, après avoir arrêté de toucher au clavier et à la souris, ça va enlever le son et barrez votre station de travail. Quand vous revenez, vous bougez la souris, vous pesez sur le clavier, ça rallume tout, ça remet le son, ça part un logiciel, tu sais. C'est bien, non? Ouais. Ouais. Et chaque opération peut avoir son propre timer, donc on peut dire qu'après 2 minutes, ça arrête le son, après 5 minutes, ça barre la station, etc., etc. Donc, System Silencer, complètement portable, ça réside dans un fichier .exe, et ça crée un petit fichier de configuration dans votre dossier, sur votre clé USB, par exemple, ou encore sur votre ordinateur directement. C'est le fun. Hey, c'est-tu pas beau? Mais je sais bien que c'est beau. Si vous êtes sur macOS 10 Alarms App, que les notifications de iCal ne sont pas assez pour vous, ça vous dit, bon, juste un petit pop-up d'habitude, normalement, tu sais, bon, t'as un rendez-vous à telle place. À la place, tu vas avoir plus de détails, tu vas être plus apte à choisir comment partir ton alarme, comment la mettre avec une façon cute, pratique, bien faite. Ça s'appelle juste Alarms. Simple, très, très minimaliste, très, très clean, comme on dit. Donc, vous pouvez mettre un timer, une alarme, d'autres notifications sans utiliser iCal du tout. Donc, c'est vraiment super. Tout est drag and drop là-dedans. Drag and drop. Et ça a l'air d'être fait par Apple, tellement c'est joli. Donc, quand tu dragues, il y a un petit icône sur l'icône sur la barre de menu en haut. Quand tu cliques avec la durée de ton drag, plus tu dragues bas, plus ça va choisir genre la durée de ton timer. Tu sais, tu cliques, tu dragues, mettons, un petit peu loin, ça fait 5 minutes, plus loin, ça fait 15 minutes. C'est comme tout super fluide. Fluide. Alors, c'est en bêta en ce moment, c'est gratuit à télécharger. Plus tard, ça va sûrement être payant par contre. Des fois, vous cherchez, Stéphanie et François-Olivier, des façons de vous envoyer une note pour plus tard. Vous avez trouvé un site web joli, un article à lire, et là, vous voulez pas installer de plugin, de logiciel additionnel. Vous voulez juste facilement retenir ça pour plus tard en vous envoyant un courriel, presque. Non? Sinon, il y a toujours le cellulaire. Hein? Oui, ou est-ce que tu peux... Très bon point. Tu l'as toujours sur toi aussi. Il y a ça. Sauf que ça, il faut que tu le sortes, là, faut que tu composes ton texte avec tes doigts, c'est long. Hey, c'est pas drôle, c'est vrai. Je sais pas. T'as-tu quoi de mieux que ça? Ben oui. Et là, c'est pas Read It Later, c'est pas Instapaper, c'est pas un paquet d'autres sites qu'il faut essayer des plugins ou des trucs comme ça. Non, c'est Nose for Later, qui est super minimaliste. Donc, ton client de courriel devient ta liste de lecture. Okay? Donc, si, mettons, tu utilises Gmail, tu pourrais créer un petit filtre avec Notes for Later, une note pour plus tard, puis aller les voir comme ça dans Gmail ou dans Hotmail ou dans n'importe quel autre logiciel. Donc, l'application elle-même, c'est comme un petit bout de JavaScript. C'est un bout de code que tu mets dans tes signets. Okay? Tu fais ajouter un signet, tu copies-colles l'adresse dedans, quelque chose du genre. Et puis là, quand tu trouves un article, tu cliques sur ce petit bookmark-là. C'est dans tes signets, tu cliques dessus, Notes for Later. Hein? Et puis, ça va automatiquement t'envoyer un courriel. Ça t'envoie un lien dans ton Gmail. C'est merveilleux, non? C'est une très bonne idée. Ah oui. Tu directes ça dans ta petite barre de signet, comme en bas de ta barre d'adresse. Tu cliques dessus, puis c'est fait. Rien à faire de plus, c'est tout. Simple de même. J'aime ça. Musiclink.fm, qui est un ce qu'on appelle un front-end pour Grooveshark. Je sais pas si vous connaissez Grooveshark, j'en ai parlé un petit peu à tous les deux. Grooveshark. Oui. Tu tapes Grooveshark.com sur Internet. Là, tu peux trouver n'importe quel, mettons, Vampire Weekend. Tu tapes Vampire Weekend, ça te sort toutes les pièces. Tu peux les écouter live comme si c'était MySpace, mais tu sais, juste une seule fenêtre de musique vers le monde. Ben oui, et puis tu peux te faire une playlist, je pense, avec différents artistes. Exactement, tu dragues tes affaires dedans, et puis là, tu peux te composer une playlist de genre 20 pièces de différents artistes en les cherchant. C'est super simple. Non, c'est très hard, ça. Mais non seulement Grooveshark est un très bon service, mais maintenant, il y a MusicLink.fm qui existe pour l'instant. Ça utilise Grooveshark, mais ça vous donne une interface pour écouter l'album au complet d'un artiste. Je sais pas si ça viole les Terms of Service de Grooveshark, mais on s'en fout. On va voir peut-être dans un mois ou deux si ça existe encore. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de flash, contrairement à Groove Shark, où c'est comme dans flash partout. T'sais. Ça, c'est vraiment du HTML. Tu rentres l'artiste, l'album, et puis là, tu peux écouter tout l'album au grand complet et puis l'acheter sur Amazon, si tu veux. Donc, c'est musiclink.fm, musiclink.fm. Évidemment, tous les liens de la chronique d'aujourd'hui sont sur assemblagerequis.com. Je vais sauter par-dessus quelques logiciels pour enlever et ajouter des choses dans le menu Send To. Tu sais, dans Windows, quand tu cliques droit sur un fichier, tu as Send To. Là, ouais. Tu peux l'envoyer vers un zip, vers un courriel. Ben, ce logiciel-là permet d'en enlever et d'en ajouter. Ça s'appelle Send To Toys. Clip Upload, qui est une autre très, très bonne idée. C'est un seul clic sur Clip Upload. Vous permet d'envoyer votre fichier online sur, par exemple, SendSpace. Et puis là, ça te fait un lien dans ton copier-coller, dans ton presse-papier, pour que tu puisses l'envoyer par courriel. Tu cliques sur l'icône, ça prend le fichier que tu veux, mettons un texte ou un MP3, n'importe quoi, ça donne un lien, tu l'envoies à tes amis, puis ils peuvent télécharger ce fichier-là. C'est cool, hein? Ouais, c'est bien fait. C'est très bien. Bien pensé. Très bien. FileKiller, qui est un petit utilitaire portable pour effacer des fichiers, donc vous lui donnez un fichier à effacer, puis il va écrire par-dessus, comme ça, personne ne peut aller le récupérer. Tu sais, vu qu'il y a des logiciels pour récupérer des fichiers, même si tu le vides ta corbeille, tu peux quand même aller le rechercher de certaines façons. Celui-là va réécrire par-dessus, c'est pour effacer des fichiers de façon sécuritaire. Facebook a ajouté un remote logout. Si jamais vous laissez votre Facebook ouvert au bureau, ça t'arrive-tu, François? Non, mais François, ça y arrive, par exemple. On pourrait aller écrire des bêtises dessus, tu sais, sur ton Facebook. J'avais tellement le goût l'autre jour quand c'est tombé sur Facebook à François. Je me suis retenu étant donné que tu sais. C'est tombé, c'est comme ça. Ouais. Sous Account Settings, dans Account Security, dans la section de tes préférences Facebook, il y a maintenant une liste d'endroits où tu es présentement connecté. Donc, ce qui te permet de déterminer par l'endroit, par l'adresse IP ou par ça te marque même la ville où tu es situé. Donc, tu peux End Activity, tu cliques dessus, ça te déconnecte sur l'ordinateur que tu veux. C'est quand même bien. C'est directement dans Facebook, donc je trouve ça vraiment bien. C'est pas disponible pour tout le monde encore, apparemment, mais ça s'en vient. Ou même, je pense que c'est pas mal rendu maintenant disponible pour tout le monde. Et on va terminer avec AirDropper, qui, je pense, va intéresser bien des auditeurs, parce que Dropbox est très à la mode en ce moment. Dropbox, qui est un service qui vous permet de partager des fichiers sur plusieurs ordinateurs. Tu l'installes au travail, à la maison, sur ton portable, et là, les fichiers vont toujours se synchroniser. Donc, aussitôt que tu rajoutes un fichier d'un côté, ça le rajoute aux autres. Ça, c'est super le fun. C'est vraiment pratique. C'est sur Dropbox.com. Et bien maintenant, AirDropper, qui résout un des plus grands problèmes de Dropbox, c'est d'envoyer ou de recevoir des fichiers de gens qui n'ont pas de compte Dropbox. Hein? Donc, AirDropper permet à ces gens-là d'envoyer un fichier directement dans votre Dropbox. Donc, vous avez une Dropbox, vous êtes inscrit, vous avez le logiciel installé. Ces gens-là peuvent l'envoyer, peuvent le recevoir, c'est-à-dire... De votre boîte. Donc, vous pouvez envoyer un courriel à la personne. Vous pouvez l'envoyer par messagerie instantanée ou par Twitter avec direct message. Donc, tu as juste à cliquer « I don't want to send an email » puis ça va te proposer les autres services. Bref, c'est super le fun. Tu envoies un de tes fichiers à quelqu'un qui n'a pas de Dropbox. C'est très cool, ça. Ben pour nous, exemple, là, mm-hmm. On envoie souvent des trucs, que ce soit des publicités. Ça peut être bien pratique. Et oui. Donc voilà pour utiliser le truc et pour CNX et pour par le fait même pas mal assemblage requis dans les prochaines minutes. Sinon, à part de ça, vous autres, merci Stéphanie en passant d'avoir été là. Je trouve que c'était très pertinent. Je t'ai même pas remercié tantôt pour tes spectacles. Hein? Pas grave. Est-ce que tu t'étais rendu compte que je t'avais pas remercié? Non, pas vraiment. Non, moi j'étais sûr que oui. Je trouvais ça super inconfortable. Comme Colin, on a oublié. On a juste passé en musique et on a rien dit à Stéphanie. Ah, c'est pas. Ben t'as la chance de te reprendre, là. Ben merci. Ben de rien. Ben, oui. On va aller entendre une petite pièce de musique, puis après ça, on va revenir pour se quitter, je pense, parce qu'on a juste assez le temps pour le faire avant les nouvelles de Radio-Canada. Ça vous tente-tu? On va entendre une pièce de Winter Gloves. On va entendre une pièce ancien album, parce que leur plus récent est sur le palmarès en ce moment. Donc, voici tout de suite Factories, et puis on revient après pour se dire bye. De ta assemblage Ricky jusqu'à là. On chante ensemble. OK. Stéphanie? Non, merci. Non. Winter Gloves avec la pièce Factories. Nous, on se quitte déjà. On n'a même pas le temps pour. Il y avait une petite blague de Bazooka Joe que j'avais envie de faire. Non, on fait la peau. Non, Bazooka Joe, garde la pour demain. Ils font Stéphane Laporte à Radio-Can. Nous autres, Bazooka Joe, tu sais, il dit hey, chose, t'écris sur quoi? Ton devoir, c'est sur quoi? Sur les quatre groupes de nutrition. Nutrition alimentaire. Moi, ouais, c'est ça, alimentaire. Puis là, lui, il dit les quatre groupes, c'est régulier, extra fromage, sicilienne et pepperoni. C'est super, hein? OK, à demain, bye.